Le comité Suisse-Corée et le Cercle Suisse d'études des Zhujutsu ont publié le 30 juin une déclaration conjointe contre l'hostilité des États-Unis qui tente de créer le climat de pression internationale contre la Corée socialiste, tout en mettant en cause sa réussite au lancement expérimental de la fusée balistique stratégique façon 10 comme provocation et menace. Par ailleurs, l'Association britannique d'études de la politique de Sungun a inséré dans son homepage d'Internet un écrit critiquant les autorités sud-coréennes qui s'adonnent plus frénétiquement à la campagne de confrontation contre la Corée socialiste, malgré les efforts sincères du Nord pour l'amélioration des rapports intercoréens et la demande de toute la nation.